Chapitre 9. Les 39 marches. C'est absurde, déclara le chef de l'amirauté. Sir Walter se leva et quitta la pièce, nous laissant pensifs et les yeux baissés. Il revint au bout de 10 minutes, la mine allongée. J'ai causé avec Aloha, dit-il. Je l'ai fait tirer de son lit, non sans difficulté. Il est rentré directement après le dîner chez Melrose. « Mais c'est de la folie !» interrompit le général Winstanley. « Vous voudriez me faire croire que cet homme a pu venir ici et rester là, à côté de moi, pendant toute une demi-heure, sans que je m'aperçoive de la substitution ? Il faut qu'Aloha ait perdu la tête !»« Ne voyez-vous pas de quelle habileté ils ont fait preuve » dis-je. « Vous étiez trop préoccupé d'autre chose pour voir clair. » L'identité de Lord Aloha allait de soi. S'il se fût agi de quelqu'un d'autre, vous l'auriez peut-être regardé plus attentivement, mais sa présence à lui était toute naturelle, et cela vous a fermé les yeux. Mais alors le Français parla très posément et en bon anglais. Ce jeune homme a raison. Sa psychologie est juste. Nos ennemis n'ont pas été si bêtes. Il pencha sur l'assistance, son front méditatif. « Je vais vous conter une histoire, » fit-il. « Elle m'est arrivée il y a longtemps au Sénégal. J'étais cantonné dans un poste perdu et, pour me distraire, j'avais pris l'habitude de pêcher dans la rivière où abondaient de gros barbeaux. » Une petite jument arabe, appartenant à cette race originaire des dunes salines, que l'on trouvait naguère à Tombouctou, portait de coutume mon panier à provisions. Or, un matin où je faisais bonne pêche, la jument se montra singulièrement agitée. Je l'entendis hennir, se plaindre et frapper du pied, et je la calmai de la voix, tout en m'occupant du poisson. Je ne cessais pas de la voir du coin de l'œil, croyais-je, attachée à un arbre distant de 20 mètres. Au bout de 2 heures, l'envie me vint de manger un morceau. Je rassemblai mon poisson dans un sac de toile goudronné et descendis vers ma jument le long de la berge, en traînant ma ligne. Arrivé auprès d'elle, je lui jetai sur le dos le sac. Il s'interrompit et nous regarda. Ce fut l'odeur qui me donna l'éveil. Je tournai la tête et vis à 3 pas de moi un lion qui me considérait. Un vieux mangeur d'hommes, la terreur du village. Il ne restait plus de la jument qu'un amas sanglant d'os et de peau caché derrière lui. « Comment cela finit-il ? » demandai-je, car j'étais assez chasseur pour reconnaître une histoire authentique. Je lui fourrai ma canne à pêche dans la gueule et j'avais un revolver. Puis mes serviteurs arrivaient justement avec des fusils, mais il m'a laissé sa marque. Et il nous montra sa main où manquaient 3 doigts. « Réfléchissez, » dit-il. La jument était morte depuis plus d'une heure et le fauve n'avait cessé de me surveiller depuis. J'ignorais le meurtre parce que j'étais habitué à l'agitation de ma bête et je ne remarquais pas son absence parce que je l'apercevais simplement comme une tache rousse et le lion en tenait lieu. Eh bien, messieurs, s'il me fut possible de me leurrer de la sorte, dans un pays où l'on a les sens aux aguets, pourquoi voudriez-vous que nous, citadins préoccupés d'affaires, ne nous trompions pas également ? Sir Walter acquiesça. Nul ne songeait à le contredire. « Mais je ne comprends pas, » reprit Winstanley. « Leur but était d'obtenir ces renseignements à notre insu. Or, il suffisait pour découvrir la supercherie que l'un de nous rappela notre rencontre de ce soir à Aloha. » Sir Walter eut un rire bref. « Ce choix d'Aloha prouve leur intelligence. Lequel d'entre nous fut allé lui reparler de ce soir ? Où lui serait-il arrivé, à lui, d'entamer ce sujet ? Et en effet, le premier lord de la mer était bien connu pour sa taciturnité et son humeur peu endurante. « Resterait à savoir, dit le général, quel avantage sa visite ici va procurer à cet espion. Il n'a pu retenir de mémoire plusieurs pages de chiffres et de noms étrangers. » « Ce n'est pas difficile, répliqua le français. Un bon espion doit s'exercer à posséder une mémoire photographique, à l'instar de votre Macaulay. Remarquez qu'il n'a rien dit, mais qu'il a parcouru ses papiers à diverses reprises. Nous devons, je crois, admettre qu'il en a emporté tout le détail imprimé dans son souvenir. » Quand j'étais plus jeune, j'étais capable de ce petit tour de force. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est de changer nos dispositions, dit avec tristesse Sir Walter. Whittaker semblait fort ennuyé. Avez-vous raconté à Lord Alloa ce qui s'est passé ? Demanda-t-il. Non ? Eh bien, je ne puis l'affirmer en toute certitude. Mais je crains fort que pour faire des changements sérieux, il ne nous faille modifier la géographie de l'Angleterre. Je dois vous dire autre chose, ajouta Royer. J'ai parlé librement lorsque cet homme était ici. J'ai laissé échapper quelques mots sur les dispositions militaires de mon gouvernement. J'avais l'autorisation de le faire, mais cette information est d'un prix inestimable pour nos adversaires. Non, mes amis, je ne vois qu'un moyen. L'homme qui est venu ici doit, ainsi que ses confédérés, être pris, et pris sans retard. « Bon Dieu ! M'écriai-je, mais nous n'avons pas l'ombre d'un indice. » « En outre, fit Whittaker, il y a la poste. À l'heure qu'il est, la nouvelle est peut-être en route. » « Non, répliqua le français, vous ne connaissez pas la manière de faire un espion. Il reçoit sa récompense en personne et il remet en personne ses renseignements. Nous autres, en France, nous ne connaissons que trop cette espèce. Il nous reste une chance, mes amis. Ces individus doivent passer la mer, que l'on fouille les navires et que l'on surveille les ports. Croyez-moi, c'est un cas des plus graves, tant pour la France que pour l'Angleterre. » Le bon sens parfait de Royer nous réconforta. Il représentait l'homme d'action parmi des indécis. Mais je ne voyais d'espoir d'aucun côté. Comment pouvions-nous, parmi les 50 millions d'habitants de ces îles, et en 12 heures, mettre la main sur les plus habiles canailles de l'Europe? Tout à coup, il me vint une idée. « Où est le calepin de Scudder ? » lançai-je à Sir Walter. « Vite, donnez-le. Je me rappelle qu'il y a quelque chose dedans. » Il ouvrit un pupitre fermé à clé et me passa le calepin. Je trouvai l'endroit et lus. 39 marches. Et encore une fois, 39 marches. Je les ai comptées. Haute mer, à 22h17. L'homme de l'amirauté me regardait comme s'il m'eût cru fou. « Ne comprenez-vous pas que c'est un indice ? » m'écriai-je. « Scudder connaissait le repère de ces gens. Il a gardé pour lui le nom de l'endroit, mais il savait par où il devait quitter le pays. C'est demain leur jour, et c'est un endroit où la mer est haute à 22h17. » « Ils sont peut-être partis ce soir, » dit quelqu'un. « Sûrement non, ils n'iraient pas se presser quand ils ont leurs bons petits moyens secrets. Je connais les Allemands, ils sont entichés de travailler d'après un plan. Où diable puis-je me procurer un annuaire des marées ?» Whittaker reprit courage. « C'est un moyen, » fit-il, « allons-nous-en jusqu'à l'amirauté. » Nous montâmes dans deux des autos qui attendaient, à l'exception de Sir Walter, qui se rendit à Scotland Yard pour « mobiliser MacGillivray », comme il dit. Après avoir parcouru d'interminables corridors et des pièces nues où s'affairaient les femmes de ménage, nous arrivâmes enfin à une petite salle garnie de livres et de cartes. On dénicha le préposé, qui tira aussitôt de la bibliothèque l'annuaire officiel des marées. Je m'installai au pupitre, entouré de mes compagnons debout, car j'avais en quelque sorte pris le commandement de l'expédition. Rien à faire. Il y avait des centaines de rubriques, et autant que je pus voir, 22h17 s'appliquaient à 50 endroits. Il nous fallait trouver un moyen de rétrécir le champ de nos investigations. Je me pris la tête à deux mains pour réfléchir. Il devait y avoir un moyen de déchiffrer cette énigme. Que voulait dire Scudder avec ses 39 marches? Je pensais à des marches de quai. Mais s'il s'était agi de cela, il n'eût pas mentionné leur nombre. Il devait s'agir d'un endroit comportant plusieurs escaliers, dont l'un se distinguait des autres par le fait de posséder 39 marches. Tout à coup, il me vint une idée, et je me mis à rechercher tous les départs de paquebots. Aucun ne partait à 22h17. Quelle importance avait la marée haute? S'il s'agissait d'un port, ce devait être un petit port, où l'on attendait la marée, ou bien il s'agissait d'un navire à gros tirant d'eau. Mais aucun vapeur de service régulier ne partait à cette heure-là, et d'ailleurs, je ne pouvais m'imaginer qu'ils iraient voyager par un grand navire quittant un port régulier. Donc, il s'agissait d'un petit port où la marée prenait de l'importance, où même il n'y avait pas de port du tout. Mais dans le cas d'un petit port, je ne voyais pas ce que les marches signifiaient. Aucun port, à ma connaissance, ne présentait une série d'escaliers. Ce devait être plutôt un endroit que caractérisait un escalier déterminé et où la mer était pleine à 22h17. En somme, je conjecturais que l'endroit devait se trouver sur une côte sans abri. Mais les escaliers continuaient à m'embarrasser. Je revins ensuite à des considérations plus générales. Par où y avait-il chance qu'un homme parti pour l'Allemagne, un homme pressé, désirant faire une traversée rapide et secrète? Assurément pas d'aucun des grands ports. Non plus que des côtes de la Manche, de l'Ouest ou de l'Écosse, étant donné que cet homme partait de Londres. Je mesurais les distances sur la carte et m'efforçais de me mettre dans la peau de mon adversaire. À sa place, je gagnerais Ostende, Anvers ou Rotterdam, et je partirais de quelque part sur la côte est, entre Cromer et Douvres. Toutes ces conjectures demeuraient très vagues, et je ne prétends pas qu'elles fussent ingénieuses ni scientifiques. Je n'avais rien d'un Sherlock Holmes. Mais je me suis toujours reconnu une sorte d'instinct dans les matières de ce genre. Je ne sais si je me fais comprendre, mais je m'efforçais de tirer de ma raison tout ce qu'elle pouvait fournir, et une fois qu'elle se butait à une impasse, je m'en remettais à l'instinct, et mes divinations se trouvaient d'ordinaire correctes. Je consignais donc toutes mes déductions sur une feuille du papier de l'amirauté. Je les libellais comme suit. Entière certitude. 1. Endroit où existent plusieurs escaliers. Celui en question se distingue par le fait qu'il a 39 marches. 2. Marée haute à 22h17. Appareillage uniquement possible à marée haute. 3. Les marches ne sont pas des marches de quai. L'endroit n'est donc probablement pas un port. 4. Pas de paquebot de nuit régulier à 22h17. Le moyen de transport doit être un caboteur peu probable, un yacht ou un bateau de pêche. Mon raisonnement n'allait pas plus loin. Je dressais une autre liste que j'intitulais « Conjecture ». Mais je lui attribuais la même certitude qu'à l'autre. 1. L'endroit n'est pas un port, mais une côte ouverte. 2. bateau petit, lougre, yacht ou canot à moteur. 3. L'endroit, quelque part sur la côte, est entre Cromer et Douvres. Il m'a paru peu banal de trôner devant ce bureau sous les yeux d'un ministre, d'un maréchal de l'armée britannique, de deux hauts dignitaires du gouvernement et d'un général français. Cependant que du griffonnage d'un défunt, je m'efforçais d'extraire un secret qui était pour nous une question de vie ou de mort. Sir Walter nous avait rejoints et MacGillivray ne tarda pas à le suivre. Il venait d'envoyer des ordres pour faire rechercher dans les ports et les gares les trois hommes dont j'avais donné le signalement à Sir Walter. Pas plus que les autres, toutefois. Il ne croyait que cela dût servir à grand-chose. « Voici tout ce que je peux y voir, dis-je. Il nous faut découvrir un lieu où plusieurs escaliers descendent au rivage, l'un de ces escaliers possédant 39 marches. Ce lieu me paraît situé sur une côte ouverte, aux falaises assez élevées, quelque part entre le Walsh et la Manche. De plus, en cet endroit, la mer est haute demain soir à 22h17. Puis une idée me vint, j'ajoutai. N'y a-t-il pas un inspecteur des gardes-côtes ou quelqu'un du même genre qui connaisse la côte est ? Whittaker en savait un, qui habitait à Clapham. Il partit en auto le chercher, et nous restâmes dans la petite salle à l'attendre en causant de choses et autres. J'allumai une pipe et repassai toute l'affaire au point de m'endolorir les méninges. Vers 1h du matin, l'homme des gardes-côtes arriva. C'était un beau vieillard qui ressemblait à un officier de marine et qui montrait pour nous tous un respect excessif. Je laissai le ministre de la guerre l'interroger lui-même, car je sentais qu'il me trouverait bien osé de parler le premier. « Voudriez-vous nous énumérer les endroits que vous connaissez sur la côte est ?» où il y a des falaises et où plusieurs escaliers descendent à la mer. Il réfléchit un instant. « De quel genre d'escalier parlez-vous, monsieur ? Il existe beaucoup d'endroits où des chemins sont taillés dans la falaise et beaucoup de ces chemins possèdent quelques marches. Ou parlez-vous d'escaliers ordinaires, d'escaliers tout en marche, si l'on peut dire ?» Sir Walter se tourna vers moi. « Nous parlons d'escaliers ordinaires, dis-je. » Il réfléchit une minute ou deux. « Il me semble que je n'en connais pas. Mais attendez, il y a un endroit du Norfolk, Brattlesham, auprès d'un terrain de golf, où se trouvent des escaliers pour permettre aux joueurs d'aller chercher les balles perdues. « Ce n'est pas cela, dis-je. » « Il y a ensuite beaucoup de digues promenades. » C'est peut-être ce que vous voulez dire. Chaque station de bain de mer en possède. Je fis un signe négatif. Ça doit être plus retiré que cela, dis-je. Ma foi, messieurs, je ne vois rien d'autre. À moins que peut-être le Ruff. Qu'est-ce que le Ruff ? Demandai-je. C'est un grand promontoire de craie dans le Kent, tout près de Bradgate. On a bâti dessus un tas de villas dont plusieurs ont des escaliers descendant à un rivage privé. C'est un endroit tout à fait grand genre, et ceux qui y résident aiment d'être tranquilles chez eux. J'ouvris en toute hâte l'annuaire des marées et cherchai Bradgate. La marée haute y était le 15 juin à 22h27. « Nous voilà enfin sur la piste, » m'écriai-je avec animation. « Comment puis-je savoir l'heure de la marée au Ruff ?»« Je vais vous le dire, monsieur, » fit l'homme des gardes-côtes. « J'ai une fois occupé une maison là-bas dans ce même mois-ci, et je sortais chaque soir pour aller pêcher en mer. La marée y est de 10 minutes en avance sur Bradgate. » Je refermai le livre et regardai mes compagnons. « Messieurs, leur dis-je, si l'un de ces escaliers possède 39 marches, nous avons résolu le problème. Je voudrais que vous me prêtiez votre voiture, Sir Walter, et une carte routière. Si M. McGillivray veut bien m'accorder 10 minutes, nous pourrons combiner quelque chose pour demain. » Je sentais le ridicule de prendre ainsi la direction de l'affaire, mais ils ne parurent pas s'en apercevoir. Et après tout, puisque j'avais moi-même ouvert la danse... D'ailleurs, les entreprises ardues me connaissaient, et ces éminents personnages étaient trop avisés pour ne pas le voir. Ce fut le général Royer qui me donna tout pouvoir. « Pour ma part, dit-il, je remets volontiers l'affaire entre les mains de M. Hannay. » À 3h30, je filais à toute vitesse au clair de lune entre les haies du Kent, avec le meilleur policier de McGillivray sur le siège à côté de moi.